je m'appelle Tony Moreno. Je suis pas un cave. Les anges fatigués allument leur gitane, brûlent un dernier baiser, embrassent de drôles de femmes. Sur des monstres d'acier, aux chromes incandescents, c'est la paix du guerrier, c'est le temps des mutants. À travers mes rébonnes, je sens venir la nuit, comme des anges furtifs, sur des musiques bizarres. Au feu des bras Eros, se chauffent les chicanos. Les fusils se reposent jusqu'au prochain aurore. En attendant la guerre, aux odeurs de charogne, on astique les cuivres, on prépare les drapeaux. Encore une fois tes yeux dans ce bordel sordide. Encore une fois ma peau contre l'acier brûlant. Sur la jungle endormie s'installent des éclairs. Je fume un dernier joint en attendant l'hiver. Le casque dans la gueule comme un chien policier. Le cuir dans les dents et l'envie de gueuler. Le chapelet du FM crépite au petit jour. Véhicule la haine, installe des soleils. Les cadavres pourrissent dans une boue épaisse. Les ventres sont gonflés. Le cureton dit sa messe. Dans le bordel, une femme compte les revenants et se fait culbuter par un des morts vivants. La tristesse sent l'opium au fond de mon trou noir. Je m'invente des rêves que je classe en mémoire. Sous les néons blafards d'une ville endormie, il reste les bâtards, les enfants de la zone, rescapés du massacre, oubliés de la guerre, affamés comme des loups. Ils arpentent la nuit. La musique est barbare. Je soigne mon tempo. Dans un palais étrange, la nuit des généraux. Dans la moquette épaisse, les pouliches de luxe glissent comme des couleuvres sur le ventre des chefs. Sous les volutes bleues, j'ai le cœur qui se casse. Au tam-tam des ombres, je couche ma carcasse. À la bourse à New York, le dollar est en hausse. Pas très loin de Lagos, on mutile les gosses. Les filles belles, lascives, s'installent sur les balcons. Leurs yeux noirs se promènent jusqu'au bout de l'horizon. Sur les ruines fumantes, un môme joue à la guerre. Il me regarde en face et me jette une pierre. J'ai vécu la terreur au milieu des barbares, le surin dans les pognes, accoudé au comptoir. J'ai sorti mon flingot, le mal est extérieur, prêt à vendre ma peau, une bastos en plein cœur. Les cons et les fachos vomissent sur ma gueule et s'habillent, vert de gris, un étrange linceul. Là-bas, en plein soleil, j'ai construit mon terrier à l'abri de regards, loin des barreaux d'acier. Je suis déraciné, un oiseau de passage, un animal blessé qui échappe au carnage. Mon rêve, c'est parano et je gueule. Nos futurs, c'est une hémorragie, un vide, une cassure. Je m'appelais